Moi je suis personne, j'aimerais avoir le prix Nobel. J'étale ma noblesse, je représente ceux qui triment au bled. Rien ne m'empêche de rapper, je travaille à mourir. J'espère que dans les jours à venir dans le rap on sera les favoris. On se donne les moyens vu qu'il y a encore de l'espoir. Je m'en tape dans la rue, les tatas me reconnaissent pas. Quand je me lâche une boule de nerfs, tu sais pas ce qu'on peut faire. Nous on n'est pas de ces groupes de merde. Tu connais le plaza, les sales bactéries. On s'infiltre partout, c'est comme ça qu'on nous caractérise. Ici les KRA périssent, compte pas en faire autant. J'ai ma vision des choses, je te dirai pas ce que tu préfères entendre. Fidèle à moi-même dans mes raps, c'est vrai que ça dote normal. C'est pas ce qui me rapporte, prends ça comme un gros ras-le-bol. En gros je me rapproche de mes buts, donc je croise les doigts. Je compte persévérer, je lâcherai pas pour quoi que ce soit. Vas-y déteste-moi, fais de moi ta cible, ta proie, mais teste-moi. Toi qui t'es la bête à faire les compètes devant tes potes, répète-le moi. T'es fidèle à qui, à quoi, en face à honnête, tout suite mettre le doigt. Les prêtres veulent mon bras, non ils ne l'auront pas, ils devront me péter le bras. Accro, y'a trop, l'arco, voulant ma peau. Crapaud, maniant l'argot, ils bavent trop devant ma go. Ils rêvent, mais bédavent trop, aucun patron, y'a qu'un d'appro. Leurs petites fesses ne sont pas propres, le trottoir et leur macro, je suis trop actif. J'écris bien la voix, mes oreilles se mettent à siffler, à vous c'est kiffant. Ils me donnent la joue, puis le micro pour les gifler, car je suis puissant. Beaucoup de gens trahissent quand tu fais la somme. Repasse-toi la scène en action, replay quand je les assomme. Je passionne pas les petites fashion, nous on craint pas les hématomes. J'ai pas un discours fatalisme, je deviens fou quand j'analyse les choses qui nous portent préjudice. Mais ainsi va la vie, si partout se banalise. Observe, ouvre les yeux, la vie en perd son sens. Que tu sois non croyant ou religieux, c'est gâté, pour ça que j'en parle sans cesse. Je me rapproche de la trentaine, on s'organise. Certains bâtards aimeraient qu'on batte en retraite. Ils créent des lois à leur effigie. Franchement, quand on y réfléchit, on pourrait croire que la France est frigide. Donc j'avance à ma manière, mec. On vit pas sous une république bananière. J'aime pas cette conception, n'est pas la mienne. Les choses ne changent pas, pour d'autres la réussite s'arrose au champagne. Pour ma part, parfois la chance me fait du chantage. Pour pallier à tout ça, pour pallier à tout ça, dose.